mais mes amis, d'où Jésus, bordel de choucroute, que les couilles du Kaiser me fouettent le front. Elles sont cinglées, les radasses de l'Est. Oh, hier soir, j'étais rendre visite aux deux finalistes de Roland-Garros, Anastasia et Elena. J'ai donc été port d'Auteuil. On a parlé sport, conditions physiques, assouplissement. Deux ou trois fois, j'ai interrompu la conversation en allant prendre une petite douche glacée pour calmer mon short, qui avait tendance à danser la polka tout seul. Et puis alors que Anastasia s'est absentée pour aller faire des pompes, Elena s'est jetée sur moi en hurlant. Vas-y, vieux Rasputin, goûte mon kouglof. Quoi? Tu veux que je bouffe quoi? Mon kouglof, recette ma mouchka délicieuse. Mais j'ai pas faim, fous-moi la paix, bordel. Mange, saloperie de chétienne. Oh, j'ai eu des boules. Et comme je voulais pas la contrarier, j'ai accepté de manger son kouglof. Au bout de 5 kilos, j'ai commencé à caler un peu. Histoire de faire passer tout ça, j'ai pris une rasade de schnapps. La spéciale kouglof, celle de 14 litres. Ah, j'ai fait une petite bise à la furieuse et je suis parti. J'étais peinard en train de vomir dans le couloir du vestiaire, quand d'un seul coup, mon téléphone sonne. Ah, c'est pas vrai, on peut même plus gerber tranquille. Allô? Quoi? Qui? Anastasia? Mais t'es où? À ton hôtel? Tu veux que je te rejoigne? Oui. Pour manger? Non. Le caviar et la vodka, ça te rend folle? Ça te donne envie de faire l'amour comme une femelle tartare en poussant des cris de bison épileptique? J'arrive! 2 minutes et 19 secondes plus tard, j'étais à la porte de sa chambre. Je frappe. Elle m'ouvre. Je rentre. Oh. Eh ben la moujik, si ça c'est pas de la musique de salope, de grosse salope de l'Oural même. Oh ben c'est tout dit. Allonge-toi nu sur moquette. Elle avait mis une toque en fourrure sur la tête, du caviar sur le corps. Oh, elle a pris une douche de vodka. Elle m'a sauté dessus en chantant cacaline. Au bout de 16 heures, je commençais à en avoir plein le dos. Avec le frottement, les vapeurs de vodka me montaient à la tête. J'avais sérieusement la nausée. J'étais à deux doigts de balancer un renard argenté des plaines de Sibérie, de gerber. En plus, la chanson cacaline, c'est sympa, mais gueuler dans les oreilles pendant 16 heures, ça finit par agacer. Du coup, je l'ai balancé contre le mur de sa piole. Et au moment où j'allais lui chanter l'hymne national du Tadjikistan, elle m'a pris par les oreilles, elle s'est mise à gueuler. Pas la peine de chanter pour humilier Moudjikovski. Alors, vas-y vieux Staline, je suis prête. Je ne suis qu'une guenon moscovite. Prends-moi comme une femelle hamster dans la banlieue du Saint-Pétersbourg. Bogdanov-moi dessus. Danse-moi les Kazantchok des sodomies transylvaniens. Et là, pendant 2 secondes, j'ai hésité. Et finalement, je me suis barré. J'avais trop peur qu'elle se remette à chanter cacaline. Bon, je vous laisse, hein, j'ai encore des grains de caviar dans le slip. Je vais prendre une douche. Au revoir, Zen.